Il est maintenant 2h05 sur les ondes de Prune et on retrouve l'émission pour les sans sommeil, pour ceux qui sont la nuit, soit chez eux, qui ne trouvent pas le sommeil, ou soit qui travaillent, on en trouve beaucoup. On va recevoir beaucoup d'appels cette nuit, de gens qui ont envie de se confier. C'est vrai qu'on a le temps à ces heures-là de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir un peu connaître les autres. On a un invité tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, donc tu t'appelles... Je m'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques. Alors, oui. Tu as tenu à nous téléphoner pour faire partager ton expérience. Oui, exactement. J'ai vu ma vie ruinée après un mauvais canular du 1er avril, donc la fête du poisson. Ça se passait donc le 1er avril Exactement, mais lundi dernier, pour tout vous dire. J'étais tranquillement en compagnie de ma femme quand l'impossible s'est déroulé, quand il a eu lieu et quand la catastrophe est arrivée. Alors, Jean-Jacques, je peux t'appeler Jean-Jacques, que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce qui passe par la tête? Enfin, est-ce que ta vie bascule vraiment? Alors, donc, ma femme me dit, bon, mais j'ai suivi un stage de magicienne, et donc, j'ai ma petite méthode de la magicienne en 10 leçons, et ouais. Regarde, je vais t'étonner, je vais faire un petit tour avec toi, et tu vas beaucoup rire, et on le présentera ce soir aux enfants qui riront beaucoup. Un petit tour qui, donc, était destiné aux enfants, car tu as des enfants, Jean-Jacques, je te tutoie. Voilà, j'en ai 12. 12. Dont 3 qui sont en vacances. Donc, à ce moment-là, ma femme se saisit donc d'une scie et me propose de mettre la jambe dans une boîte. Dans une boîte. Voilà, afin de faire ce fameux tour où l'on découpe la boîte, puis ensuite on sépare les deux parties, voilà. Puis ensuite on les recolle et il n'arrive rien à la jambe. Jean-Jacques, est-ce que, pour que les gens comprennent bien, est-ce que tu avais, ta femme avait l'habitude de faire des tours de magie? Non, pas du tout, puisque... C'était une première. Voilà, c'était une première, c'était... Donc elle m'a dit, elle m'avait assuré qu'elle avait suivi un petit stage de magie. Forcément, je ne peux pas savoir ce qu'elle fait pendant que moi je suis au travail. Pendant qu'elle glandouille à la maison, cette grosse feignasse, ça n'a rien à faire, à part la cuisine, et à élever les enfants, des trucs un petit peu... Enfin bon, bref, passons. Donc, et ben à ce moment-là, donc moi je mets donc la jambe... Donc c'est important de parler, hein, bien sûr. Oui, je mets la jambe dans la boîte. Dans la boîte. Et voilà, et à ce moment-là, ben, je lui dis, bah oui, écoute, ça fait quand même 25 ans qu'on est mariés. 25 ans d'amour. 25 ans, Jean-Jacques. Merveilleux. 25 ans de bonheur. 12 enfants, ben oui. 12 enfants, oui. Dont 3 qui sont en vacances, je vous le rappelle. Donc à partir de ce moment-là... Oui, Jean-Jacques. Tous les sans sommeil t'écoutent. J'ai la jambe dans la boîte. Elle prend la scie. Elle découpe. Tu as un chien, Jean-Jacques? Oui. Il est actuellement au travail. Donc à ce moment-là, elle découpe la jambe et j'ai un petit peu mal. Je ressens des petits picotements. Là, elle me dit, c'est rien, je vais jeter du sel, tu vas moins avoir mal. Donc là, Jean-Jacques, tu ne dis rien, tu penses que ça fait partie du tour. Exactement, c'est ce qu'elle me soutient. Oui. Une fois la jambe complètement découpée et en morceaux, eh bien là, elle me dit, je n'ai jamais suivi de stage de magicienne. Oui. En fait, poisson d'avril. Alors, Jean-Jacques, à quel moment as-tu compris qu'il y avait un poisson d'avril, que c'était un poisson d'avril, finalement, que c'était une blague de ta femme? Eh bien, quand elle m'a dit « ta jambe, tu vois, tu peux t'asseoir dessus ». Jean-Jacques, on te remercie pour ce témoignage. Est-ce que tu as envie de laisser ton numéro pour que d'autres personnes qui ont vécu la même expérience que toi, des blagues faites par leur entourage, te contactent? J'apprécierais énormément. D'accord. Donc, on laissera ton numéro en antenne. On va maintenant passer un petit peu de musique. On remercie tous les sans sommeil et puis en particulier Jean-Jacques. Mais non, c'est pas la nuit, c'est le matin. Il est l'heure de se réveiller. Je vous ai encore bien eu, hein. Et mes Bonaparte, c'est trop de la déconne dans ta radio.